Une belle pour quelques instants charme mes sens. Auprès d'elle, je suis plein de zèle et fidèle, mais au moins pour tous un jour, pour un jour, un jour, c'est assez en amour. Qu'elle soit jolie, à son char, un jour m'enchaînera. Oh, c'est folie, t'aimer pour la vie, pour toi le jurer, jamais, jamais, jamais, on ne vous croira. Oh, de ces bons serments-là, toujours on rira. S'arrange, l'un l'autre on se venge, nous échange, qui sourit à la beauté, oui voilà ma devise, amour et liberté. Quand un jour celle que j'ai choisie, sois fidèle et selon mes.